Lucie, écoutez-moi. Vous vous laissez faire la cour par tous les invités du bal. Vous traînez après vous une véritable escorte de galants. Allons, trêve de compliments. Et vous, messieurs qui m'écoutez, ne croyez pas trouver ainsi le chemin de mon cœur. Ma femme jolie, c'est vraiment folie de répéter qu'elle est bien. Oh, combien ? Quand devant sa glace, elle se dénonce, croit-on qu'elle ne voit rien. Notre bouche, beaucoup moins nous touche que de plus discrets appâts. Quel appât ? Car en cette affaire, ce que l'on préfère sont les charmes qu'on n'a pas. On n'a pas tous les charmes, tous sont en vous. Pour vous faire bien venir et nous obtenir, il faut dans votre cerveau trouver du nouveau. Quelque adresse de tendresse donne plus de bruit à la vue des mieux épris. Et c'est surtout quand il ment que nous plaît tes compliments, c'est vraiment charmant. Si maigre, vous l'épouse un bon conseil. Quel conseil? Donnez-nous ombrage, bisque, bisque, rouge est un moyen sans pareil. Sans pareil. Prêtez quelque histoire, quelque amour notoire au rival qui vous inuit. Flanc. Votre idole épouse dans son trouble, vous ou lui? Non, pas lui. Risquez tout ou rien, merci bien. Pour vous faire bien venir et nous obtenir, il faut dans votre cerveau trouver du nouveau. Savoir être notre maître, pas parfois du bon. Notre cœur ne fait qu'un bon. Joie, extase, enivrement, et c'est l'empoisonnement, c'est vraiment charmant. Pour vous faire bien venir et vous obtenir, il faut dans notre cerveau tous les nouveaux, savoir être notre maître à ma foi du bon. Notre cœur ne fait qu'un bond, joie, extase, heureusement pour Beaucaire que Lady Mary est moins évaporée que Lucie. La nuit tombe et Lady Mary va prendre congé de ses hôtes. Toute la beauté. Un grand danger. Winterset vient de faire comprendre à toute l'assistance que le duc de Châteaurien n'est autre que Monsieur Beaucaire. Oh, nous déjouerons cet odieux complot. Mais chut! Voici Beaucaire et Lady Mary. Beaucaire a l'air désespéré. Quoi si doux, ce beau soir est sur vous sans pouvoir. Faut-il perdre tout espoir de jamais vous émouvoir? Oh, j'ai peur, en dehors de mon cœur frissonnant. Soyez bon, épargnez-moi la pudeur de tant d'émois. Plus un mot, à quoi bon? Pas trop tôt s'ouvrir, chaque jour, tour à tour, enrichit l'amour. Ô mon seul bien, et votre bien, ne disons plus rien. Ô mon seul bien, et votre bien, ne disons. Au bonheur surhumain, cet rêve, hélas, trompeur, que le jour tuera, j'ai peur. Non, pourquoi doutez-vous? C'est bien moi, c'est bien nous. Votre rêve au clair matin ne sera pas plus loin. Les mots, serrons-nous tous les deux. Ce brigand, le Winterset, a fait blesser d'un coup d'épée le duc de Châteaurien et l'a obligé de se démasquer devant Lady Mary. Le monstre! À présent, Lady Mary sait que le duc de Châteaurien n'est qu'un barbier. Elle est mortellement offensée. Au fond, votre ami Beaucaire n'est qu'un imposteur. Mais dites donc, il est aussi votre ami? Jamais. D'ailleurs, je ne vous parle plus. Et moi non plus, mais je vais penser tout haut ce que vous m'inspirez. Je connais une belle, trop belle, hélas, à mon amour rebelle, qui m'a pris dans celle-là. Et la cruelle a fait serment d'être muette à mon tourment. Je connais un pauvre homme parfaitement, et que j'ai tort en somme de traiter durement. J'en ai regret, mais j'ai juré de me taire et je me tairai. Il a ni l'autre ni rien, un serment nous retient. Et c'est pourquoi, ni vous ni moi, pourquoi, eh bien, nous deux nous disons rien. Pourquoi, eh bien, nous ne nous disons rien. Mais j'y pense, on va rire, si j'ose poser qu'un beau soir sans rien dire, je lui prenne un baiser. Elle a prévu dans son serment les mots, mais non le sentiment. Il est clair que si l'ose, j'ai fait serment de rester bouche close au mot uniquement. Rien ne m'oblige à refuser de rendre baiser pour baiser. Il a mis l'autre vide, rien qu'un serment nous retient. Et si pourtant l'amour nous tient, eh bien, on se comprend très bien. On se comprend très bien. Si Lady Mary avait mon indulgence, elle pardonnerait. Je sais bien ce qu'il va lui dire, que ce Beaucaire est peut-être vraiment le gentilhomme dont un soir, dans la féerie du clair de lune, Lady Mary écouta la chanson. Tenez, les voici tous les deux, et je sens que Beaucaire va se justifier. Quand vous seriez ou fée ou reine, et vous l'êtes sûrement, d'un cœur obscur qu'amour entraîne, il monte des mots d'amant. Où cet amant n'est rien à la cour, et n'a pour lui que son pauvre amour. Mais cet amour, dont lui-même a l'effroi, le fait plus riche et plus heureux qu'un roi. Sous les étoiles, par un beau soir d'été, le reste est vain, rien n'est divin que l'amour et l'obscurité. Plein d'espoir, blotti dans le noir, sentir vous émouvoir. Tel espoir et de tels soucis. que sans des choix accepter de l'amant le seul bonheur qu'au monde il soit vraiment. Sous les étoiles, par un beau soir d'été, le reste est vain, rien n'est divin, l'amour et l'obscurité, plein d'espoir, blotti dans le noir, sentir vous émouvoir. Vous savez bien que Lady Mary se laisse réfléchir. Devant l'amour, qu'est-ce qu'un titre ? Répond-elle à celui qui est à ses genoux. D'ailleurs, tout va s'arranger. L'ambassadeur de France déclare qu'à présent, il est inutile que M. Beaucaire garde son personnage de barbier. En vérité, M. Beaucaire est son Altesse royale le duc d'Orléans, duc de Chartres, duc de Nemours et cousin de sa très chrétienne majesté, le roi de France. Oh, que je suis heureuse pour lui et pour Lady Mary. Monsieur le duc, regrettez-vous de vous être fait appeler Monsieur Beaucaire? Ô mer, mer écumante, porte-nous d'un flot qui dort, que j'emporte au loin mon amante jusqu'à la grève au sable d'or. Ainsi, Lily charmante, et tendre tour à tour, soir d'un beau jour cette histoire d'amour, d'un prince échappé de sa cour. Nos deux peuples sont amis, fraternellement unis, car ils savent d'un même cœur applaudir ensemble à l'amour vainqueur.